À l'occasion de la journée de la brillante étoile, Jirinovski, président du Parti démocrate libéral de Russie, a fait parvenir le message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Le destinataire a indiqué que la vie glorieuse du général Kim Jong-il est gravée en lettres d'or dans l'histoire de la République populaire démocratique de Corée, de l'amitié entre les deux pays et de l'humanité progressiste. Il a souhaité plus grand succès au maréchal Kim Jong-un et au peuple coréen dans leur effort pour l'édification de la société socialiste et la paix durable dans la région et le monde.